you're listening to 92 Music. Non pas le time ni la force, j'ai trop donné d'énergie. Qu'on se mette d'accord sur les parcours, je vois pas au DMC. Faut que tu saches, la route est longue et dangereuse. Avant de chercher que la gloire et de te prendre pour MC tronçonneuse. Revois tes rimes entre chaque ligne, ne comprends pas ce que tu dis. Cesse de rapper saccadé en 3 minutes, t'as rien dit. Tu veux des frappes, frappes, tu veux des punchlines. Tu veux des gun gun, tu veux des... Tu veux qu'on joue sur tes clips, la cohérence on s'en tape. Tant que ça claque dans le club, du message on s'en tape. Faire voler du papier violet, sortir les sapes accordés. Faire le showcase, le micro, jamais l'allumer. Ça rêve de disque d'or, de platine, faire briller le diamant. Au lieu de te mettre bien, fais-le pour papa, maman. T'as pris ta route salement, reste conscient que ça ne durera pas longtemps. Fais-le proprement, t'auras ton respect dû éraper sagement. Petit garnement, faux garnement. D'autres avant toi ont essayé évidemment. Pour ma part, chaque ligne est vécue. Mais sens-tu la grisaille de mes écrits? Ce n'est qu'un aperçu. Ce n'est qu'un aperçu. Oui. Ce n'est qu'un aperçu. Ce n'est qu'un aperçu. Mais sens-tu la grisaille de mes écrits? Je. Ce n'est qu'un aperçu. Spécimen. Spécimen. Spécimen. Spécimen. Appelle-moi le spécimen. Eyo, hey eyo, hey calme-toi. C'est moi qui cuisine cette saleté. Mais son mélodie m'a réalisé. Appelle-moi le spécimen. Eyo, hey eyo, hey calme-toi. C'est moi qui cuisine cette saleté. Mais son mélodie m'a réalisé. Appelle-moi le spécimen. Eyo, hey eyo, hey calme-toi. C'est moi qui cuisine cette saleté. Mais son mélodie m'a réalisé. Appelle-moi le spécimen. Eyo, hey eyo, hey calme-toi. C'est moi qui cuisine cette saleté. Mais son mélodie m'a réalisé. Sur des beats sales de la haute gamme, de la bonne cam au crew. Mes écrits n'ont pas visé les étoiles. On a les punchlines, on écrit, c'est des coups de lame. Pristine, scope. Lausanne, Kepun Merugman, mais y'est per ditchman. Every day I'm hustling, nous quoi et chou ditchman. Y'est mérite m'block, ghetto trop glock. Protect chia mais il aide, comme de baisser son froc. Y'est qu'un bon leg, parasemi cheat spot. Qu'un bon hip hop, battle trash, c'est Chris Cross. Appelle ma motocross. MC tout terrain, j'évite les obstacles et les coups de catin. J'suis le bad boy, j'suis le bolide, le gars sur le solide. Le vrai, pas la copie, tout bad. Si t'as pas compris, j'suis la crise que tu maîtrises pas. Quoi qu'est-ce qu'il y a, tu ne comprends pas. Hein? Appelle-moi le spécimen. Eyo hey eyo hey calme-toi. C'est moi qui cuisine cette saleté. Mais son mélodie m'a réalisé. Appelle-moi le spécimen. Eyo hey eyo hey calme-toi. C'est moi qui cuisine cette saleté. Mais son mélodie m'a réalisé. Appelle-moi le spécimen. Eyo hey eyo hey calme-toi. C'est moi qui cuisine cette saleté. Mais son mélodie m'a réalisé. Appelle-moi le spécimen. Eyo hey eyo hey calme-toi. C'est moi qui cuisine cette saleté. Mais son mélodie m'a réalisé. Appelle-moi le spécimen. Eyo hey eyo hey calme-toi. C'est moi qui cuisine cette saleté. Mais son mélodie m'a réalisé. Appelle-moi le spécimen. Eyo hey eyo hey calme-toi. C'est moi qui cuisine cette saleté. Mais son mélodie m'a réalisé. Appelle-moi le spécimen. Eyo hey eyo hey calme-toi. C'est moi qui cuisine cette saleté.